Le groupe de félicitations des Coréens résidents au Japon, conduite par Lee Ki-so, conseiller du présidium du comité central de la Chongnyon, Association générale des Coréens au Japon, est arrivé lance courant à Pyongyang à l'occasion de la journée de la brillante étoile. Les Coréens au Japon ont déposé les bouquets de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, érigées sur la colline Mansu, avant de leur rendre hommage.